Salut les marques, salut les smarts, it's time, it's time, it's catch-up time. Ici, toutes les semaines, on parle de WWE Monday Nitro. Je suis l'inusable Ringside et pour m'accompagner, c'est notre réalisateur, acteur, l'amiral Armbar qui est là. Comment ça va, amiral? Très bien. Ça va bien. Et la fine plume des cahiers du catch, Raphaël, comment ça va, Raphaël? Écoute, ça va. Bonne année à vous puisque c'est mon premier catch-up de 2018 avec vous. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux. Donc let's go to the show. Bah oui. C'est parti. Happy Rousseff Year à toi, Raph. Happy Rousseff Year. À vous aussi, ouais. Bien sûr. Ça tombe sous le sens. C'est ça. Parce que croyez-le ou non, mais c'est Rousseff Day aujourd'hui. Hein. Ah. Donc, joyeux Rousseff Day à tous. Hein. C'est l'année de Rousseff sur le nouvel an russe et chinois aussi. Voilà. Et japonais et tout ça. Tout en même temps, rejoignez-nous sur le chat hein, si vous avez reçu la petite alerte. Si vous nous découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner tout en haut. Si vous nous découvrez pour la deuxième fois, c'est pas possible. C'est vrai. On est sur YouTube, on est sur PodCloud, on est sur Twitter. Et Facebook, Catch-up CDC. Et iTunes. Et c'est ça, iTunes, on est là toutes les semaines pour vous décortiquer la WWE. Mais pas que, puisqu'on a fait un grand et long débrief de Wrestle Kingdom 12. C'est en ligne, n'hésitez pas à aller le consulter pour tout savoir sur le deuxième plus gros show de catch du monde. Le plus gros show de catch japonais, Y2J affronte Kenny Omega, le leader du Bullet Club. On vous raconte tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On parle aussi de SmackDown. Ça, c'est le supplément SmackDown. Ça arrivera dans la semaine. Si vous êtes abonné, paf, vous le saurez. On a Talking Catch qui est en ligne aussi. On vous parle de tout ce qui se passe dans l'actualité du catch. Et NXT tout seul le dimanche matin avec notre ami Hank qui vous raconte ce qui se passe à NXT. Voilà, mais aujourd'hui, on est là pour parler du Monday Nitro du 8 janvier 2018. Ça se passe à Memphis, terre de catch, terre de Jerry Lawler, le King, King of Wrestling. C'est un show historique, hein, puisque ce soir, non seulement Enzo Amore va défendre son titre Cruiserweight, Alexa Bliss continue à faire des manigances, mais surtout, on va déterminer qui est The Elite of the WWE, qui est l'élite de la WWE. Ça, ce sera, vous le verrez, pour le main event. Et comment on va en arriver là? Eh bien, je vous le dis en mille, qui c'est qui débarque en début de show? Le Big Dog, Roman Reigns, victorieux de Samoa Joe la semaine dernière. Il est toujours champion intercontinental, le Big Dog. Il est bien accueilli, hein? Il est bien accueilli, ouais. Les huées sont là. Il cherche la bronca, d'ailleurs. Hein. C'est sa version préférée, que je préfère de sa musique, hein. Il devrait en faire un mix, il devrait faire une gimmick, je trouve, ce truc-là. C'est tellement ça. Parfait. C'est ça. Il cherche la bronca hein, du regard. On connaît quand il attend comme ça que le public l'a eu. Il maîtrise. Hein. Il maîtrise ce petit truc-là, mais au final, il récoltera surtout des watch chants pendant son début de speech. Alors, il explique hein, que effectivement, Samoa Joe était costaud, mais pas si costaud que ça. Il lui a cloué le bec. Il n'était pas prêt, tout simplement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire pour le Big Dog. Victoire modeste, donc, de Roman Reigns. Exactement, victoire modeste, tout en modestie. Voilà, il explique qu'il a vengé son frère Dean Ambrose, hein, son acolyte du clan The Shield, qui est actuellement en convalescence, hein, puisqu'il a été blessé par Samoa Joe. Voilà, on n'attaque pas un membre du Shield, on attaque tous les membres, donc forcément, derrière, il y a des répercussions. Et justement, qui c'est qui débarque? Un des piliers du Shield, Jason Jordan, le fils bâtard de Kurt Angle, le directeur managérial de Monday Nitro. Le fils bâtard, troisième membre du Shield. C'est le quatrième mousquetaire, en fait, c'est ça que tu dis. C'est ça. Ok. Exactement. C'est classe, ça. C'est classe, oui, ouais. Une belle position pour Jason Jordan qui a finalement atteint le main event. Donc il vient voir Roman Reigns, hein, il lui explique qu'il a eu des frissons hein, en regardant le match la semaine dernière. Voilà, il explique c'est bravo, félicitations Roman, il veut faire un fist bump, il lui dit this is your yard, hein, c'est ton terrain de jeu. Il lui dit lui-même this is your yard, baby. J'ai adoré qu'il dise baby. Et là, t'avais la gueule de Roman Reigns, genre what? Alors, bah, c'est le côté Memphis là, c'est yeah, c'est rock and roll. Rock and roll. Bah, ça marche pas du tout. Seth Rollins débarque. Seth Rollins qui est en équipe hein, avec Jason Jordan, ils sont champions tag team. Rollins lui explique, écoute, Jason, t'es gentil, mais t'as encore beaucoup à apprendre, hein, notamment sur le timing. Là, t'es en train de ruiner un petit peu le moment de Roman Reigns, hein, tu marches dessus. Le pauvre, il en a si peu. Il en a si peu, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en plus, se faire gâcher par le petit fils pistonné de Kurt Angle, c'est vraiment pas cool. Jason Jordan, hein, il s'offusque un petit peu, il dit, écoute, on avait tous un problème avec Samoa Joe, le problème est réglé, comme on a réglé le problème avec The Bar, Sheamus et Cesaro qui étaient les champions, les anciens champions tag team, hein, qui leur avaient fait des misères, ils ont récupéré la ceinture de champion tag team, tout le monde est champion, c'est le club des champions, ils sont le trio le plus fort de la WWE, et bien savoir en offusquer certains, puisqu'une musique retentit et débarque un trio, Lugalos, Karl Anderson et Finn Balor, ce qu'on appelle désormais le Balor Club. Enfin. Enfin, ça veut dire un truc, Balor Club. C'est ça. C'est plus qu'un signe sur un t-shirt ou sur le petit pantalon. Ça se concrétise. Assez étrangement d'ailleurs. Hein, ça fait 10 ans qu'ils bossent ensemble, nous explique Baylor, avant même que Jordan découvre que son père était Kurt Angle. D'ailleurs, ça le fait bien rigoler. D'ailleurs, on parle de toute cette amitié dans une émission spéciale sur le Network, apparemment. Le WWE Network, hein, que vous pouvez avoir pour la modique somme de 10 euros à peu près, hein, tous les mois. Et vous avez toutes les archives de la WWE, donc y compris ces archives qui concernent le Baylor Club, hein, qui ont une amitié de plus de 10 ans. D'ailleurs, 2018 sera l'année du Baylor Club. Moi, j'ai pas trop compris quoi il parlait, mais bon. Jordan préfère être lui dans le Champions Club. Le Champions Club, qu'est-ce que c'est? Un rip-off du Shield, voilà, on se fout un peu de sa gueule. Parce que Dean Ambrose n'est pas là, alors Baylor il dit, bon, je vois bien qu'il y a un architecte, il y a un grand maître chien, mais le troisième, là, c'est quoi? C'est un nerd. Alors Jordan, ça lui plaît pas de se faire insulter de nerd, il essaye de taper sur le club, il est retenu par ses deux acolytes, le beau Roman et Seth Rollins. Là-dessus, Kurt Angle, le papa, débarque, c'est lui le général manager de Raw, et du coup il boucle le main event, hein, il explique ce soir on a déjà Lesnar qui est prévu, je crois qu'on a le championnat Cruiserweight qui doit être défendu, donc c'est déjà un bon programme, et on va vous rajouter en main event. Donc là-dessus, le match est bouclé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière? Je vais donner la parole à Raphaël. Ah bien, j'ouvre l'entrée en matière. Moi, j'ai bien aimé Moi, je trouve qu'il commence à trouver un bon personnage avec Jason Jordan, qui est assez drôle et qui est assez à l'aise dans ce registre du couillon, du mec qui veut, bon voilà, bah, c'est le petit nouveau qui veut un peu gratter l'amitié, qui se croit un peu plus fort que ce qu'il n'est parce qu'il est devenu champion. Ça, c'est rigolo. J'ai eu plus de mal à m'intéresser à Rollins et à Reigns, surtout le fait d'utiliser encore les poncifs du Shield, alors que le Shield, bah, c'est plus le Shield là qu'on a. Déjà, Dean Ambrose est cassé en deux, mais même avant, ils n'ont jamais été trois quasiment. Il y en a un qui était intercontinental contre le Miz, l'autre qui était avec The Bar. Donc, c'est pas. J'aime pas trop ces discours. J'aime pas du tout le personnage de Rollins actuellement. Je déteste le Burn It Down en musique d'entrée. et j'ai pas aimé Roman Reigns qui se la joue mec hyper, hyper fidèle, hyper classe en nous disant non mais pendant tout le match contre Samoa Joe, mais je pensais à Dean Ambrose, quoi. C'est mon copain, j'ai gagné pour lui laver l'honneur. Enfin, on sait bien qu'il a eu mille fois des cas où il est pas venu sauver son pote dans les deux ou trois dernières années. Donc c'est pas ces personnages là qui m'intéressent, mais j'aime bien le personnage de Jordan et j'aime bien ce qui se dessine avec ce club. On sait pas trop pourquoi du jour au lendemain ils se remettent ensemble, mais ça fait des perspectives et ça laisse présager d'un avenir plus intéressant pour Baylor que ces derniers mois. Donc moi, pour le moment, je suis pour. Bah, pas que pour Baylor, hein. On en parlait un petit peu la semaine dernière lorsqu'on parlait du Raw du 1er janvier, mais ça augure aussi du meilleur forcément pour Gallows Anderson, parce que voilà, ils étaient aussi perdus dans les limbes de la Tag Team Division à jobber pour Main Event. Donc la question que tu poses, elle est juste rare, c'est bah, pourquoi d'un coup ils se remettent ensemble. Moi, j'ai envie de dire, la vraie bonne question, c'est pourquoi ils ont attendu autant de temps avant de les foutre ensemble. Parce que là, en 2 semaines... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils les refoutent ensemble la semaine dernière et une semaine après, ben, pouf, ils font le main event contre ni plus ni moins que les champions par équipe, les champions intercontinentaux. Et ça marche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, quoi. C'est légitime. Ouais, depuis tout ce temps-là, ils avaient effectivement cette combinaison-là un peu gagnante. Alors, je pense peut-être qu'ils attendaient de voir, en fait. Ils attendaient de voir est-ce qu'ils arrivaient à faire décoller Balor seul après son retour de blessure, dans ses feuds avec Wyatt ou je ne sais quoi, avant de dire bon, ben, effectivement, ça marche pas trop. Gallows Anderson, ça marche pas trop non plus. Donc, on va griller la carte Bullet Club, hein, puisque même si j'ai entendu certains sur Internet, notamment qui commande du catch aussi, se renseigner sur ce qu'était le Balor Club avant. En fait, le Balor Club, ça n'a jamais existé, c'est le Bullet Club hein, dont on parle évidemment. Là, c'est le nom WWE uniquement, le Balor Club. Voilà, je pense que c'est leur dernière tentative pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une hype sur ces trois lutteurs, et ça marche plutôt bien. J'aime bien le fait que Balor lâche sa vanne sur la bâtardise de Jason Jordan, hein. Ça donne un petit indice léger de... il turn, on peut dire ça comme ça, même si c'est pas très franc, c'est ouvrir les possibilités là-dessus. Ils sont dans un délire un peu rigolard, hein, les trois, Gallows Anderson et Balor, ils sont pas dans une orientation trop méchante, trop vindicative. Donc il y a de la courbe de progression, il y a des choses à faire. Moi j'attends le moment où ils viendront, les trois, avec le même t-shirt, les mêmes musiques, en même temps réellement. J'espère qu'ils vont faire ça bien. J'espère qu'ils vont faire ça bien. En tout cas, moi, ça qui m'intéresse. Et je suis d'accord, le perso de Jordan, il est assez cool. Et encore une fois, son You're the big dog, baby. Priceless. Est-ce que ça effrite pas un petit peu tout ce qu'ils avaient réussi à monter autour de Roman Reigns Ils avaient réussi à reprendre un peu de pop auprès de The Shield. Là, ça s'écroule encore une fois. Bon, il a l'habitude d'être hué en même temps Roman Reigns, donc c'est pas trop grave pour lui. Seth Rollins, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire, mais il est toujours aussi horripilant à mes yeux. Moi, je suis pas d'accord avec vous, hein, surtout avec Raph qui est assez dur, mais je respecte, man, ton point de vue. Mais moi, le Burning Down, j'aime bien. Ça met de la pêche dans la musique, franchement. Ça met une petite pause, etc. Et je trouve que ça fait popper. Je trouve que, encore une fois, il s'en sort pas trop mal là, au micro en ce moment. Rollins, dans son rôle, je le trouve de plus en plus à l'aise. C'est pas ultra intéressant ce qu'on lui donne à faire. Hein. C'est plus, hey, tu vas garder le petit fiston du patron Jason Jordan et occupe-toi-en. Hein. Ah putain, super. Il a vraiment des airs de désespéré. Roman Reigns, il est un peu interloqué, genre mindfucké, genre what. Mais Rollins, il est vraiment genre. Oh putain, non, mais qu'est-ce qu'il a encore foutu le gamin, quoi. Et je sais pas, je trouve que c'est léger, ça, c'est pas un truc dont on va se rappeler, c'est pas quelque chose d'extraordinaire ni de grandiose, loin de là, mais au moins je trouve que ça donne du temps à Seth de trouver un peu de rythme. Après, bah, pour Roman Reigns, bah, Ambrose est blessé, il n'y a plus le Shield, hein, donc forcément le médicament pour la pop de Roman Reigns bah, ne peut pas marcher, donc on verra bien ce qu'ils vont trouver de nouveau pour lui faire retrouver un peu les faveurs de la foule. De toute façon, c'est une histoire assez compliquée. On va voir plus tard hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être incorporées dans tout ça. Pour l'instant, on va faire un petit tour chez les demoiselles. Sasha Banks et Bayley, accompagnées de Mickie James, qui s'est habillée avec les vêtements de sa fille, j'ai l'impression, parce que c'était pas du tout à sa taille ce qu'elle portait. Affrontement d'E Rose et Sonia Deville. Paige est dans le coin, hein, c'est ce qu'on appelle l'absolution, ce clan. Donc malgré quelques filouteries, c'est la victoire des gentils sur un bank statement. Hein, les tentatives de triche, on va dire, de Mandy Rose et Sonia Deville ne portent pas leurs fruits. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce match général? Ouais, moi j'ai apprécié de plus en plus, je trouve, hein, là dans le match, la prestation Sonya Deville, en fait. Je trouve qu'elle tient bien son personnage, elle a un look qui est un peu discutable au niveau de son costume, mais elle a une intensité qui rend bien. Et puis franchement, elle a donné des bons kicks et des bons coups de poing, je trouve, dans son match contre Sasha Banks. Donc assez positivement surpris par la prestation de Deville. Ok, ouais. Moi aussi, puis même Mandy Rose, je trouve qu'elles sont, enfin comparé au trio de SmackDown, je trouve qu'elles sont largement un cran au-dessus toutes. Il n'y a pas du tout une intervention de filouterie ou autre de Paige. Alors je sais plus où on en était. Il y avait des rumeurs comme quoi elle était un peu blessée. Je sais pas si c'est valide ou pas. En tout cas, elle est juste restée sur le bord. Bon, c'est une défaite qui m'a un peu surpris parce qu'elles étaient plutôt sur la tendance à tout gagner. Mais de toute façon, on sait que là, il va y avoir le Rumble. Ça va être le bordel un peu généralisé, donc on s'en fout un peu là pour le moment qui gagne, qui perd. Exactement, ça fait patiner un petit peu les histoires. Donc les défaites, les victoires n'ont pas trop d'importance. Et effectivement, quand même, plutôt une belle prestation de Mandy Rose et Sonya Deville. Étonnant, je pensais pas qu'elles étaient aussi talentueuses. Bon, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, elles font illusion. C'est moins honteux que par exemple les débuts de Dana Brooke. Liv Morgan. Ou de Liv Morgan, voilà. Ouais. C'est bizarre quand même, parce que moi, SmackDown, ils arrivent à faire des matchs encore plus pourris. Parce que Sarah Logan, théoriquement, elle est pas mauvaise. Pareil pour Ruby Riott. Comment elle s'appelle? Ruby Riott. Ouais, mais Ruby Riott, elle est pas mal dans le ring, hein, mais Liv Morgan, c'est pas possible. Mais bon, ça, c'est SmackDown. C'est SmackDown, n'en parlons pas. On va dans les vestiaires, il y a beaucoup plus intéressant puisque Cedric Alexander, le célèbre, est en compagnie de Goldust, la légende du ring. Il nous rejoue une scène de Rocky 3. Goldust joue le coach. Alors j'ai oublié le nom du coach de Rocky, mais c'est pas grave. Voilà, ils nous refont la petite scène. Et Goldust explique à Alexander qu'il n'a qu'un ennemi, c'est lui-même. Effectivement. C'est pas faux. Et on apprend que Goldust sera en équipe avec Alicia Fox, la belle Alicia Fox, pour le Mixed Tag Team Facebook Championship Tournament qui va arriver incessamment sous peu. Raph, un petit mot à dire sur cette petite séquence ? Pas vraiment, à vrai dire. Pas vraiment. Cédric fucking Alexander est dans la place. Amiral, on s'en bat les... Ouais, steak, ah ouais, un peu, ouais, grave. Okay. Alors, Matt Hardy, Woken Matt Hardy, il arrive et il a une musique, toute nouvelle musique. Avec un petit, ça commence au piano. Alors, j'espérais qu'il y aurait peut-être la chanson. Obsolete. Hein, Obsolete, machin truc bidule que jouait au piano Jeff Hardy. Ah, c'était beau. C'était beau, mais non. C'est une musique originale pour la WWE. Il affronte Kurt Hawkins qui est invaincu depuis le début de 2018. Meilleur streak du monde, hein. Ouais. Mais qui va encaisser donc sa première défaite et continuer sa losing streak, hein, il a plus de 200 défaites, je crois. 250 bravo, peut-être. Bravo à lui, j'adore Kurt Hawkins. On a un petit message vidéo, hein, une petite vignette sur le côté qui nous dit que Matt Hardy va participer au Royal Rumble. Donc là, il va sûrement gagner et devenir le champion du multiverse. Oui. Hey. C'est classe. C'est classe. Multi-universal champion. Et moi, voilà. Et moi, j'aimerais bien, franchement, que Matt Hardy débarque, alors que ce soit la semaine prochaine, dans 2 semaines, après le Rumble, on s'en fout, avec une ceinture. La ceinture du champion multi-universel, avec genre une ceinture complètement fucked up, etc. Et qu'il soit dans un délire complet et qu'il vienne en disant voilà, je lance un open challenge pour défendre ma ceinture multiverse. Et t'as des gens qui disent mais ça n'existe pas, Matt. Et puis voilà, et je trouve que ça serait potentiellement rigolo. Moi ça me ferait rire. Il pourrait rater une semaine et puis il revient la semaine d'après en nous disant que pendant Raw dernier, il était dans un univers parallèle en train de battre, je sais pas moi, Boo, Freezer. Pikachu, n'importe qui. Exactement. Les voyages interstellaires, intertemporels, ça entre les dimensions, c'est ça la marque de fabrique de Matt Hardy. Mais ce soir, plutôt, à la fin du match, les lumières s'éteignent, elles se rallument, Bray Wyatt apparaît derrière Matt Hardy. Matt Hardy se retourne à grand sourire, hein, d'une oreille à l'autre, et c'est parti pour la bagarre de rire. Delightful, voilà. Il n'y aura rien de plus. Hein. Non. Où on en est avec Woken Matt. Je vais pas casser un verre pour faire le bruit de Woken Matt. Mais est-ce que c'est pas un peu bas du cul tout ça? Est-ce qu'on n'est pas un peu sur le degré zéro de l'écriture? Raph, par exemple. Ouais, moi j'ai trouvé tout bien jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire la nouvelle musique, je trouve ça vraiment, elle était vraiment pas mal. Ça a mis de suite une ambiance. Le public était à fond quand Matt Hardy est arrivé. Bon, le match, 1 minute, quoi. Mais il a fait. C'était vraiment. Là, on est vraiment dans le broken mat. Il a fait tous les gestes, les phrases et tout. Et puis après, bah oui, il y a eu cette confrontation un peu pourrie. Si ça avait fini sur une Sister Abigail ou un truc, ça aurait un peu conclu là, mais cette espèce de. Ils finissent en se riant l'un sur l'autre dessus, ça dure des plombes, et puis après, nous on a la coupure pub, alors on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans l'arène? Ils ont dit hey, allez, salut, et puis c'est un peu nul, c'est un peu pourri. Je pense que ça va progresser, moi j'ai plutôt bon espoir sur ce que ça va donner. Ça va rester un truc. Bon, c'est de la mid-card, c'est Matt Hardy, il est vieux, je pense pas qu'ils vont capitaliser à fond là-dessus, mais ça peut être rigolo. Il faut qu'il fasse plus de séquences, comme la dernière fois, là, quand il joue aux échecs contre son poisson rouge, c'était plutôt rigolo. Là, juste le voir rigoler, je trouve que c'est typique de la WWE, quoi. On crée un. Il y en a qui ont une catchphrase, comme Nerd, là, les autres. Lui, il a juste le rire, et puis, bah, du coup, on se repose là-dessus, alors que c'est pas terrible. Mais ça peut encore progresser, j'ai bon espoir. Miral. Bon, il n'y a rien eu de plus cette semaine, donc rien de plus que ce qu'on disait la semaine dernière, hein, c'est que oui, effectivement, niveau écriture, on est au minimum syndical, il n'y a rien qui est développé pour l'instant, donc voilà. De toute manière, Tristesse un peu. je pense que Matt bénéficie malgré lui de la malédiction des storylines et des feuds de Bray Wyatt, hein. C'est que ça ne prend pas. Voilà. Ce satané Bray Wyatt. C'est En lui tout qui le cas, trouve. avec Bray Wyatt, c'est toujours très très long, hein, les feuds contre Randy Orton, bah, ça a pris des plombes. Ouais. Contre Finn Balor, si c'était pas chopé la tourista, ça aurait pris des plombes et des plombes. Et là, ça met toujours. Ouais, c'est long, c'est chiant, parce que c'est un peu chiant. Est-ce que ça peut traîner jusqu'à WrestleMania, ce truc-là? Ils vont Là, fighter au non. Rumble? Bah, il va y avoir une histoire, les histoires de. Comment ils appellent ça là, les Warriors. Les Woken Warriors. Non, je pense que ça ira pas à WrestleMania ou alors un match kick-off ou un truc comme ça. Mais non, je pense que ça ira un pay-per-view avant WrestleMania. Entre le Ouais, il Rumble et reste Mania. Fastlane, non, pour hein, Ouais, je entre-temps. crois, ouais. À minimum. Je crois que c'est inversé, non? C'est pas l'Elimination Chamber. Chamber sera à Chamber. SmackDown, non? Et Fastlane à l'autre, il me semble. Mmh. À Ouais, confirmer en tout par nos cas, il doit sources. bien y avoir un pay-per-view entre-temps. Oui. Bon, parce que Bray Wyatt, je pense quand même qu'il aura une place de choix à WrestleMania avec son entrée et tout le bordel. Ça pourrait être bien d'avoir la même Donc il y chose du côté de. a ouais, ce sera Elimination Chamber en février. Ok. Pour Pour Raw, tout à fait. Fastlane sera pour SmackDown et après WrestleMania. Ok. Intéressant. Brock Lesnar, on va voir. Brock Lesnar dans la chambre d'élimination. Oh, plutôt Les un first part-timers, ils font contender. jamais. First contender pour Brock Lesnar. Donc ce serait un gagnant du Rumble, ce serait encore pour SmackDown. Étrange. Étrange, bizarre autant qu'étrange. Ilaias est dans le ring. Il nous rappelle que WWE, c'est pour Walk with Ilaias. Il a une chanson pour Memphis. Donc une chanson hein, qui se fout un peu de la gueule de la ville et de Elvis Presley. Mais bon, la chanson, c'est surtout là pour présenter le retour de la superstar de Rolling Stone de l'année, The Miz, qui débarque avec le Mistourage, bel accueil du public. C'est parti pour Miss TV. Donc il est de retour après le tournage du Marine 6, hein, qui est le film qui est terminé, de la célèbre franchise, hein, The Marine. Il remercie Bo Dallas et Curtis Axel, hein, qui sont les invités de Miss TV ce soir. La foule remercie The Miz. Hein, on a des Thank You Miz qui sont chantés, lancés par Bo Dallas, hein, parce que chacun, Curtis Axel remercie le Miz, Bo Dallas remercie le Miz aussi, et Bo Dallas va même offrir un cadeau au Miz, un joli petit portrait photo. Alors Miz est un peu perplexe, hein, il dit, hein, tu m'as offert une photo. Là-dessus, Curtis Axel renchérit, il fait tomber la veste et il lui offre sa veste, il dit, regarde, je t'ai acheté une nouvelle veste. Bo Dallas lui dit, mais non, regarde, j'ai une montre. Curtis Axel part sur les chaussures. Il dit, tu veux pas des nouvelles chaussures? Là-dessus, le Miz s'énerve. Il dit, taisez-vous tous. Allez vous asseoir. Il explique qu'il a de grands projets pour 2018. Hein. En 2017, il a tenu le titre intercontinental pendant plus de 200 jours. Il a repris la main sur la carrière des deux abrutis derrière lui, hein, qui sont remontés un petit peu dans la classe sociale. Il est la Rolling Stone Superstar of the Year. Ça, c'est pas rien quand même, hein, dans les magazines mainstream. Il est là. Et surtout, il n'a pas oublié le passage à tabac qu'il a reçu de la part de The Shield, ce fameux clan mené par Roman Reigns. Triple powerbomb à travers la table des commentateurs le dernier jour de son apparition à Raw. Donc il a le titre intercontinental dans le viseur. Il va devenir le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Et il espère que Roman Reigns a bien profité du spotlight qu'il lui a accordé. Ça va pas durer. Le grand retour de The Miz après à peu près 10 jours d'absence. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Amiral ? Six semaines d'absence. Alors, il y a le retour toujours au somme. Hein, le Miz, on aime beaucoup. Content de revoir un si bon talker, peut-être le meilleur talker actuellement de la WWE. Revenir à Monday Night Raw, c'est toujours bien. J'ai hâte de le revoir dans des matchs aussi, puisque j'avais été très positivement surpris hein, par son dernier match contre Man Reigns quand il avait perdu le titre intercontinental. Donc voilà, bah, de toute façon, 6 semaines, c'était pas assez long pour qu'on ait un retour surprise. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont dit sur Internet « Ah, c'est dommage qu'ils aient annoncé son retour. » C'est bon, il est parti 6 semaines, quoi. Ça fait même pas 2 mois. Donc il n'y avait aucun sens de faire un retour « Oh my God, non !» Donc c'est mieux de l'annoncer, hein. C'est le Miz, c'est dans son personnage. Donc non, il reprend là où il s'en est arrêté, il n'a pas oublié. Voilà, et... Moi, je suis content. C'est presque comme s'il n'avait pas été là, hein, dans tous les cas. Donc, Ouais. Ils ont fait le job, hein, les deux du Mistourage. Ouais. Entre-temps, il a gagné le titre à Rolling Stone, là, de Superstar de l'année. Ouais. C'est pas rien. Ah non, c'est classe, parce que c'est une grosse exposition médiatique, hein, mine de rien. Et dans les médias mainstream, comme on dit, ça, généralement, la WWE, du moins la direction de la WWE, aime beaucoup l'exposition dans les médias pas spécialistes du catch. Exactement. Raph ? Ah oui, moi je. Bon, bah oui, un petit retour très court après une courte absence, mais oui, bah le Miz, quoi. Excellent au micro, toujours beaucoup de charisme, beaucoup d'agressivité dans ses propos, et effectivement, moi j'ai envie de signer à son programme, hein, j'ai envie de le revoir récupérer bien vite le trophée de intercontinental, et puis ben, comme certains parmi nous sur les cahiers du catch aussi, j'appelle aussi un petit titre mondial. Là, je pense qu'il est mûr et ça peut être une très bonne année pour lui, et j'espère qu'il va nous faire une très bonne année, Miz. Ouais, la promo était très intense, hein. Il était face caméra, ça a zoomé sur son visage, c'était plutôt réussi. Et puis c'est un mec qui vit pour la WWE, hein, The Miz, mine de rien. Il a passé toute sa carrière à la WWE, c'est un enfant de la télé. La télé-réalité qui vit, qui transpire WWE. Donc c'est plutôt sympa de le revoir arriver au sommet. Ouais. On sait qu'il avait gardé toujours l'espoir de revenir dans le main event. Ben, c'est bien parti pour lui. Ouais. C'était simple, c'était efficace. Sa promo était ce qu'il fallait. Ça leur a établi directement, rapidement, là où il en était, dans sa feud. Bref, c'était encore une fois très très bien raconté en termes de storytelling, hein, par le Miz, qui est excellent à ce niveau-là. Excellent, excellentissime. Dans les vestiaires, retrouvons ce fameux Baylor Club qui se remémore leur soirée de beuverie au Japon. On en apprend un peu plus, hein, sur ce fameux Baylor Club, là, je ne connais rien. Des beuveries du passé avec un certain Tonga, un certain Fale. Baylor, bad luck. Pas de luck, fallait, pas de chance. Pas d'inquiétude parce que Baylor dit bon, il faut peut-être discuter stratégie, hein, c'est bien beau de les souvenirs, mais bon, on s'inquiète pas du côté de Gallows et Anderson, on sait qu'on va gagner ce soir. On reviendra sur ce drôle de club là. Ouais. Qui revient là de Don Cesou. Mais parce que maintenant, dis-moi. Ouais, juste quand même un truc, c'est j'étais étonné qu'il cite le nom de Baylor Fale et de Tonga, parce que pour information, c'est des catcheurs qui étaient avec eux au Bullet Club, au début du Bullet Club à New Japan Pro Wrestling, et ils sont toujours à New Japan Pro Wrestling, donc j'étais étonné qu'il prononce ces noms-là, sachant qu'il y a, je sais plus si c'est Tama Tonga ou son frère, qui avait balancé un tweet un peu obscur il y a un peu avant Noël en disant vivement 2018-2019 la réunion du premier Bullet Club. On va s'arrêter alors un petit peu là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en plus par les commentateurs, notamment Corey Graves qui a joué tout du long sur The Elite. The Elite, oui. Voilà. Bon, ça, je pense que le fait qu'il mentionne The Edit, donc ouais, le groupe des Young Bucks et de Kenny Omega principalement, un sous-groupe du Bullet Club, je pense que c'est un jab, quoi, que c'est un direct, une espèce de pic, un petit scud gratos comme ça, en prime time, en live, ouais. À Japan, aux Young Bucks, avec leur histoire de Season Disease, de Two Feet, etc. Mais le fait de citer les noms de Fale et Tonga, tu me dis. Est-ce que... Parce qu'en plus, pareil, ils ont montré des photos au début de leur amitié où il y avait Balor et Anderson au dojo américain à New Japan et Anderson a montré sur une photo, il a le blouson de New Japan, quoi. Mm-hmm. Des photos, ils sont des backstage après des shows New Japan. Ok. Ils ont autorisé beaucoup de choses pour faire référence au... Alors, je ne sais pas si c'est pour surfer peut-être sur le succès du Wrestle Kingdom 12, dont on parle dans notre review, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. On a ce club là qui se concrétise. On fait carrément référence à ce qui se faisait avant parce que ils n'ont jamais fait équipe ensemble, que ce soit Baylor et Gallows et Anderson depuis qu'ils sont arrivés à la WWE, hormis la semaine dernière. C'était AJ Styles qui était là, AJ Styles qui était l'autre leader, le leader suivant du Bullet Club au Japon, successeur de Finn Balor. Moi, ce que j'ai appris, c'est que le patron de la New Japan a eu un communiqué cette dernière semaine en expliquant que lui, ce qu'il cherchait plus qu'une confrontation face à la WWE, au final, c'est un partenariat. Partenariat qui a déjà existé dans le passé entre la New Japan et la WWE. La WWE qui se permet un peu de faire comme ça des références. Corey Graves qui se lâche complètement au micro. On a des photos. Est-ce qu'on va pas tout doucement, effectivement, vers une ouverture entre la WWE et la New Japan qui pourrait nous offrir le dream match dont je rêve depuis des années entre Hiroshi Tanahashi et John Cena? Je croise les doigts. Tout est ouvert, c'est peut-être juste des pics qui s'envoient. Bad Luck Fale, Tama Tonga, on ne sait pas, ils sont peut-être en négociation pour arriver à la WWE. Ça, c'est pas impossible non plus. Oui, parce qu'en plus, pour la petite information, c'est quand même ceux qui sont un peu laissés pour compte en ce moment au Bullet Club, les premiers, les vieux de la vieille, qui sont fait passer devant en termes de popularité et d'exposition pour la seconde, troisième génération, donc The Elite, puis Cody Rhodes, etc. Donc. Voilà. C'est des catcheurs qui ont un style de catch qui pourrait convenir totalement à la WWE, que ce soit Tonga ou Fale. C'est pas non plus des pros du strong style, ils pourraient s'adapter assez facilement à la WWE. Ouais. Surtout Bad Luck Fale qui est un peu un monstre, qui est un peu un big show. Et je me rappelle les premières itérations de Bullet Club où Finn Balor était le leader, à l'époque appelé Prince David, où il arrivait, où c'est Bad Luck Fale qui avait Finn Balor sur ses épaules. Ouais, et Balor arrivé, genre les doigts tendus comme ça qu'un flingue et drapeau Bullet Club sur les épaules de Bad Luck Fale qui fait 2m15, là, c'était pas mal. C'est ça, s'il arrive à reproduire ça à la WWE. Donc c'est au choix, c'est-à-dire soit ils vont racheter les quelques restes du Bullet Club pour lancer le Balor Club, soit on va peut-être avoir ce crossover dont on rêve. Toi, ça te parle un petit peu, Raph, parce que Moi, la New Japan. Voilà. Ah non, la New Japan, je connais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est exactement fait exprès par la WWE pour que nous autres fans de catch, on passe 10-15 minutes à analyser la moindre petite phrase, le petit mot, la photo et tout, à se dire vers quoi on va, est-ce qu'il y a alliance, est-ce que c'est ils jouent à fond là-dessus, ils veulent sacrer le buzz. J'imagine que sur les forums français, américains, japonais, ça suranalyse à gogo. Ils ont raison de jouer. S'ils ont les droits pour le faire, j'imagine qu'ils ont les droits pour le faire, qu'ils le fassent, qu'il y ait alliance ou non, que ce soit juste du clash ou non, qu'ils continuent à entretenir le mystère. Ils ont raison. Parce que beaucoup disent que la WWE n'a aucun intérêt de pactiser avec la New Japan. Il faut savoir, d'après ce que je sais, que la New Japan est devant la WWE sur le terrain japonais. Oui. Donc ça permettrait à la WWE de s'ouvrir un peu au Japon aussi, un peu plus. Ce serait gagnant-gagnant. Je sais pas, parce que c'est normal que la New Japan rapidement soit premier au Japon, c'est la fédération japonaise number one. Maintenant, est-ce que le marché japonais vraiment c'est un enjeu commercial de business et de money pour la WWE? Je pense pas, c'est pas un pays non plus qui a un gros potentiel, même s'il y a des chiffres impressionnants pour des gros events comme Wrestle Kingdom. Après, les Japonais, c'est pas un pays où il y a énormément d'habitants. La langue japonaise n'est parlée qu'au Japon. Donc du coup, je pense que c'est un marché ultra mineur pour la WWE. Je pense que dans cette histoire, la New Japan aurait beaucoup plus. Mais c'est une terre de catch quand même. Hein. Oui, mais la New Japan aurait beaucoup plus à gagner qu'à WWE dans cette alliance. Donc, c'est sûr. Est-ce que la WWE. C'est toujours les autres qui ont plus à gagner à aller à sticoter la WWE. Ouais, ça c'est sûr. Mais il serait pas forcément perdant. Et puis, c'est, par le passé, ça s'est déjà vu de voir Vince McMahon donner des coups de pouce aux autres fédérations. Il l'a fait pour le CW, pour les Mexicains. Il l'a fait encore récemment pour tout ce qui est anglais. Donc voilà. Hein. D'ailleurs, il y aura un match, si vous ne l'avez pas vu sur les sites de news français. Alors, par contre, on est un peu en discussion sur la date, on ne sait plus c'est quand. Mais Piton, le champion WWE UK, affrontera Will Ospreay, le champion IWGP Junior Heavyweight, pour le compte de la fédération IWP. UK, si je dis pas de bêtises, ou IPW, je sais plus, fédération anglaise, à Londres, je crois, si je dis pas d'annerie, courant du mois de janvier ou courant du mois de février. Donc un crossover WWE New Japan, c'est déjà dans les clous en fait. Ouais, on discute, mais c'est en train donc de se faire. Donc ça sera le 17 février. 17 février, ouais, voilà. Pour IPW. IPW, j'avais pas retrouvé où c'est. Ils disent pas. Bon, bah renseignez-vous, vous trouverez. Bon, il y a peut-être déjà plus de place. Hein. Donc voilà, bah, le crossover se fait déjà. Hein. On discute. Avançons dans l'histoire de ce Monday Night Raw du 8 janvier. Événement historique, Cruiserweight Championship. Enzo Amore affronte Cédric Alexander, hein, qui s'est qualifié de haute lutte après différents matchs. De Fatal 4-Way. Donc, malade la semaine dernière, Enzo a été soigné par Nia Jax. Hein, il prend le micro avant que le match commence, hein, pour remercier Nia Jax. Alexander, en équipe avec Goldust, c'est le plus proche que pourra s'approcher de l'or, ce pauvre Cédric Alexander. Puisque Enzo finira 2018 comme il l'a commencé, en champion Cruiserweight. Nia Jax et derrière, dans les coulisses, à regarder tout ça sur un écran télé. Alexander démarque, c'est parti pour le match. Dive d'un côté, high kick sur tournée, un peu les kicks, hein, etc. de Cédric Alexander, qui finit par ouvrir l'arcade d'Enzo à un moment donné. On va à l'extérieur du ring, dive de Cédric Alexander qui tombe sur Enzo. Enzo qui s'effondre, il semble avoir la cheville brisée. Le médecin vient à ses côtés, il ne pourra pas remonter dans le ring, il se fait décompter à l'extérieur. Victoire de Cédric Alexander par décompte extérieur. Donc la ceinture reste autour des hanches de Enzo. On verra Enzo un petit peu après à l'infirmerie, il se fait consoler par Nia Jax, mais il a pas l'air d'aller trop bien. On va faire des radios, hein, de sa cheville. On ne sait pas si c'est une vraie blessure ou s'il l'a simulé. Peut-être plus d'infos la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce championnat historique, Raphaël, dis-nous tout. Moi, je ne sais pas, mais j'ai bien remarqué que juste avant qu'Alexander lui saute dessus pour ce fameux moment de la blessure, il s'est positionné un peu bizarrement par rapport à d'habitude. Pour la réception, donc je sais pas, moi je voterais plutôt pour un work, pour un truc scénaristique, parce que il a vraiment joué le côté. Mais après, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Là, j'ai eu l'impression que c'était scénarisé. Par contre, là, ce qui est pas scénarisé, effectivement, c'est qu'il pissait bien le sang et c'était très impressionnant. Après, du coup, le match a été très court et moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la division Cruiserweight, à part que honnêtement, Cédric Alexander, il me fait pas un. Fait pas rêver, donc je suis plutôt pour que Enzo la garde encore quelques temps et que ça fasse un vrai qu'ils arrivent à construire, je ne sais pas qui, mais un vrai héros en face qui lui prendra la breloque, mais là non, ça me convainc pas plus que ça. Ils sont très interchangeables, tous ces rivaux là, tous ces gentils. Rich One avant, bon, lui on le verra plus, mais il était un peu dans le même style. Ça manque d'un héros, voilà. Il nous manque un gentil dans cette histoire en fait. Alors Kenzo fait un bon méchant, mais il nous manque un gentil. Ouais, c'est pas faux. Je vois pas de qui tu parles, Cédric Alexander, je vois pas. Amiral, tu vois c'est qui toi, Alexander là, je sais pas quoi. Bah écoute, de toute façon Alexander, J'ai envie de dire que bah oui, qui gagne le titre, c'est très bien. C'est le mec que que le charisme a oublié. Eh bien, je pense que ce sera le règne de championnat qu'on aura tous oublié aussitôt qu'il aura gagné la ceinture. Hein. On s'en fout un peu. Par contre, ce truc, c'est que peut-être 205, la Cruiserweight Division, est en passe de devenir la division la plus dangereuse de la WWE. Hein. Après Itami qui t'éclate le nez, voici Cedric Alexander qui te défonce l'arcade sourcilière. Voilà. Un blessé par semaine. Très, très stiff et strong style, hein, Cruiserweight. Par contre, Enzo, faut qu'il fasse gaffe, il a repoussé l'infirmier là qui venait s'occuper de lui. Ils n'ont pas le droit d'avoir de sang à la télé. Il faut qu'il fasse gaffe s'il se permet de repousser comme ça le mec qui vient le recoudre. Hein. Il peut se faire engueuler après. Après, bon, c'est l'arcade sourcilière, hein. C'est sûr que c'est impressionnant, ça pisse le Ouais, sang, ça mais. pisse le sang comme. Puis on aime bien quand il se fait défoncer la gueule quand même, Enzo. C'est un peu son gimmick en fait, qui a tellement fonctionné de se faire marcher sur la gueule comme ça. Mais bon, c'est pas encore ça qui va sauver les cruisers. Du coup, on va passer à la suite. Kurt Angle est au téléphone avec une ancienne superstar, apparemment de la division féminine. Il lui propose de venir au Rumble, même si ça fait un moment qu'elle n'a pas catché. C'est tellement une grande star que normalement, ça devrait faire l'affaire. On ne sait pas trop hein, de qui parle. The Bar, Sheamus et Cesaro, ils débarquent. Ça discute un peu avec Angle et puis on va leur booker un rematch pour la ceinture de champion au Royal Rumble. Et ce soir, il y aura un petit match pour eux. Ce sera une surprise hein, pour savoir qui ils vont affronter. Là-dessus, The Miz débarque. Il nous explique qu'il va avoir une nouvelle émission avec son épouse. Alors, je suppose que ça doit être un truc de télé-réalité, un peu comme les Bella. Miz et Miss, ouais. C'est ça? Ok. Ouais, je crois. Hein. Ok. Il veut son rematch pour le titre intercontinental pour le 25e anniversaire de Raw. Kurt Angle lui confirme que c'est une bonne idée. C'est validé, mais par contre, ne me touche plus jamais, Miz, hein, parce qu'il lui a posé la main sur l'épaule ou un truc comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est bouclé. On est content. Asuka, Alexa Bliss, c'est la suite dans les vestiaires. Alexa Bliss qui fait ses petites manigances, elle explique à Asuka que y a Nia Jax qui parle sur elle un petit peu. On va peut-être aller à la suite de ça tout de suite. C'est un peu plus tard. Nia Jax et Alexa Bliss sont dans les coulisses. Alexa Bliss, c'est la meilleure amie de Nia Jax, donc elle s'inquiète. Est-ce que Enzo te tirerait pas vers le bas, par exemple? Nia Jax la rassure et dit non, en fait, il me motive, je veux devenir une championne, comme lui, c'est un champion. Je vais intégrer le Royal Rumble, on se retrouvera à Mania, etc. Là-dessus, Alexa Bliss lui dit, écoute, Asuka aurait dit des trucs sur toi. Nia Jax, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Alexa Bliss, elle dit, ah, bah non, je vais pas te le dire. Nia Jax, elle dit, bien si, tu vas me le dire. Alors bon, l'autre, elle lui souffle à l'oreille. Nia Jax s'est dit quoi? Elle a dit ça? Nia Jax s'est dit mais tu parles japonais? Alors Alexa Bliss s'est dit bah non. Nia Jax s'est dit bah parce que Asuka parle pas anglais. Alors du coup elle s'en va. Oh, elle a pas été perdue. Après il y a Asuka qui est dans le ring. Elle va avoir un match. Elle monte sur le coin du ring pour saluer le public. Et là-dessus, elle se fait attraper par Nia Jax qui sort de nulle part. Position d'Electric Chair, on l'explose. Nia Jax va ensuite faire un salto avant, là, roulade pour écrabouiller Asuka. Donc voilà, Nia Jax qui vient défier Asuka. On aura vu l'adversaire de Asuka se sauver via la rampe. J'ai pas tout compris à cette histoire. Parce qu'apparemment Nia Jax ne tombe pas dans le panneau à la fin de leur discussion, qui est très très mal joué quand même. Mais bon, elle vient quand même attaquer Asuka. Beaucoup de minutes d'antenne. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Raph. Ah, c'est moi qui commence. Vas-y. Déjà, je continue de penser que les managers généraux devaient prendre des cours de comédie quand ils font semblant d'être au téléphone, parce que c'est toujours nul à chier, que ce soit Kurt Angle comme Daniel Bryan. Et Ouais, alors, mais Kurt Angle, c'est un alcoolique, plus personne l'appelle. Hein. qui est cette fameuse superstar féminine qui, visiblement, il a du mal à convaincre à participer au Rumble? Bah, C'est en quand fait, même. il était sur répondeur de Mae Young, il est pas courant qu'elle est morte, alors bon. Il laisse un message. Peut-être. En plus, on a fait un tournoi à ton nom l'année dernière. Je pense que Ouais. les gens se rappellent de toi. Non, mais alors ce qui est drôle, c'est qu'ils ont passé le visuel du match féminin au Rumble. Mm-hmm. Donc j'ai fait pause pour regarder. Il y a 16 visages pour le moment qui sont mis en place, dont on peut voir Lana et Natalia. Donc ça, déjà, ça nous grille certains suspens. Bon, 16, ça laisse encore pas mal de place. Non, ben moi je crois que, comme tout à l'heure on disait pour Absolution, hein, on est dans le pré-Rumble, donc ils vont nous faire croire pendant 2-3 semaines que tout le monde déteste tout le monde et tout le monde veut battre tout le monde. Donc toutes les forces en présence vont s'attaquer, vont se donner des coups. Asuka, Nia Jax, et puis bon, ben, Alexa Bliss, elle va rester tranquillement à regarder ça de loin et à tirer les ficelles. Mais là, je pense pas qu'il faille chercher de fun plus construite que juste. Bah, juste tout le monde contre tout le monde. Mmh. Miral. Bah. Non, moi ça me. Rien. Franchement, rien. Franchement, ça m'inspire pas du tout ce segment. Voilà, bon, Axel Bliss qui s'est tiré encore d'avoir la protection de Nia Jax pour se protéger d'Asuka. Nia qui rentre pas dans le panneau. C'est triste. Hein. Mais qui déchaîne sa colère quand même, enfin je sais pas. Voilà, bon, rien n'est logique, c'est très mal joué. On est au degré zéro pour les filles. D'après Dave Mazer, il y a entre 2 et 4 spots libres pour des légendes au Royal Rumble, pour des anciennes catcheuses. Le reste serait tenu par des gens des filles de NXT. Ah, ça veut dire qu'ils vont, ils vont faire venir un peu plus de 10 personnes, 10 personnes, ouais, de NXT, quoi. Apparemment. Ah ouais, moi je suis quasiment sûr qu'il va y avoir une ou deux Bella Twins, bah sûrement peut-être en retour de Nikki. Ouais. Enfin, il faut compter les Bella Twins quand même, je pense, dans l'histoire. Moi j'aurais bien vu, hein, je te dis, hein, je suis un Instagrammeur et j'ai vu Charlie Caruso faire des pompes, soulever de la fonte et tout, je la sens bien entrer, ça serait rigolo. Après, oh, je sais pas qui c'est qu'on va avoir. Hein. Le problème c'est que des légendes féminines. Est-ce que les gens se souviennent ne serait-ce que des musiques d'entrée? Est-ce que ça va popper? Bon, de toute façon, ça va être triste à mort, les entrées des filles, je pense. Peut-être. Tout le long du Rumble, quand ils vont faire venir les filles d'NXT, ça va être... Si Alita et Trish Stratus, à la limite, mais bon, après, qui... Maria Kanellis va catcher, peut-être, je sais. Ah oui, elle a caché, elle. Kanellis, Trish Stratus, pardon, Lita. Lita, ouais, c'est clair. Ouais. Beth Phoenix, peut-être. Ouais, Beth Phoenix. Ouais. Bon, on verra tout ça en temps et en heure. Oh oui, il est temps de passer. Oui, on n'en peut plus. Sachant que Lita, de toute façon, je l'ai vu cette année, cet appareil manga était venu, elle a un peu catché. Donc, du coup, voilà. Elle est... ouais. Et puis, ils l'ont montré pas mal de fois, que ce soit pour des segments relatifs à la Women's Revolution, par rapport à des kick-offs, pré-show, oui, dans les panels, j'en passe. Ouais. Donc, du coup, les gens savent. Elle est encore à l'image à l'écran de WWE depuis pas... enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, les gens connaîtront. Ouais, très productrice pour le network. The Bar, ils arrivent au ring, on va connaître leurs adversaires, c'est rien moins que Titus Worldwide. Victoire surprise de Titus Worldwide d'ailleurs, sur Roll-Up. Après que Apollo Crews ait esquivé un broke kick via un joli moonsault à l'extérieur du ring. Voilà, Titus gagne le match. Est-ce qu'on parle de ça ou est-ce qu'on... Ouais, moi j'ai un coup de gueule. Ah, il paraît que actuellement, il paraît, c'est quand même dans des sites reliés comme Dave Meltzer, donc des insiders, hein, du catch, hein, c'est pas juste des gens qui font des théories du complot dans leur chambre, que si on ne voit pas, si vous ne voyez pas, cher ami du Catch Up Universe, The Revival à l'écran, puisqu'ils sont tous les deux là et pas blessés, c'est parce que les créatifs, donc les scénaristes de la WWE n'auraient rien à leur donner, n'auraient rien pour eux scénaristiquement parlant. Ouais. Eh oui. Ah oui, ça je veux bien le croire, hein, parce que je vois pas comment ils pourraient les incorporer dans le bordel. Et moi j'étais là en me disant, non, c'est des conneries, tu peux pas avoir une des meilleures équipes de 2017, un de ceux qui ont fait les meilleurs matchs tag team de 2016 à NXT dans ton roster et ne rien avoir à leur faire faire. Et donc du coup, quand il y avait ce truc là où The Bar attendait leur adversaire, je me suis dit, elle y est, c'est y est, quoi, c'est bon, les revivals sont là. Voilà. Et pour voir dans Taichi Sonin battre les anciens champions par équipe sur un roll-up dégueulasse. Il n'y a pas de mots. Non. Speechless. Mais ouais, quand même. Le Revival, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils sont au Performance Center. Ils ont fait les beaux jours d'NXT. Ils arrivent et on leur donne rien, quoi. c'est pas une honte. Et pourtant, ils ont envoyé un tweet dans la semaine là pour demander, enfin un des revivals a envoyé un tweet à Kurt Angle pour demander un spot pour la ceinture, puisqu'ils ont dit voilà, on est toujours invaincus en fait. Et c'est vrai qu'actuellement, ils sont toujours invaincus, je crois, à Raw. En plus, ils ont battu New Day, ils ont battu les Hardys, enfin. Ouais. Alors je dirais bien de les envoyer à SmackDown, mais à SmackDown il y a pas d'intrigue, il y a rien du tout, donc. Non, ça viendra. Ça viendra, t'es confiant toi, Raph? Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. De toute façon, si on n'est pas confiant, on peut pas faire grand-chose, mais. Sans espoir, tout est perdu. Hein. Ouais, non, mais bon. Après, je peux comprendre, c'est toujours une équipe qui est si cotée, c'est sûr que soit tu la mets au placé, soit. Ben oui, il faut pas que le revival ils arrivent pour perdre des matchs à la con. Donc voilà, ils auraient pu être là à la place de Titus Worldwide. Ça aurait été quand même plus agréable à suivre. Et tu les fais gagner de la même façon. Une distraction à l'extérieur, machin, un roll-up ou un truc vicieux. Et ça marche, tu vois, c'est pas ridicule parce que le revival, leur catch est basé là-dessus. Est basé sur la filouterie tag team. Et c'est beaucoup plus crédible que ce soit eux. Il n'y avait qu'à voir les expressions de Sheamus et Cesaro quand ils ont compris qu'ils avaient perdu contre Apollo fucking Crews et Titus O'Neil. Moi, j'avais la même et je pense qu'on était trois quarts des fans de Cage au monde à avoir la même gueule. Ouais. Genre. What? En même temps, le catch de Titus O'Neil, il est basé sur. Il n'a pas de base, donc il peut très bien devenir un filou du jour au lendemain. Non, c'était. Bon, après, moi, je me suis dit que tant qu'à faire, c'était. Si ça. Je sais pas, moi, ce que ça peut faire. Si ça lance des tensions entre Sheamus et Cesaro, ou si ça débute quelque chose, ça peut être plus intéressant. En soi, ça ouvre plus de perspectives que si Cesaro et Sheamus avaient plié le match, on gagne en 2 minutes contre des jobbers, et voilà. Mais bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus. Ça va faire une petite rivalité jusqu'au Rumble. Ouais, mais bon, ouais. Mais non, puisque, oui, au Rumble, on. Oui, il n'y aura pas de match entre Worldwide et Sheamus au Rumble, mais ça va occuper Sheamus et Cesaro d'arriver au Rumble, parce qu'il reste 3 semaines. Là. Ils vont les éclater la semaine prochaine, et puis voilà. Quoi. À peu près. Ouais. Bah oui, c'est toujours difficile de booker des équipes qui savent catcher, des catcheurs qui savent catcher, des catcheurs qui catchent. Le champion Brock Lesnar de l'univers, hein, un catcheur qui ne catche pas, il est avec Paul Heyman. Donc c'est la promo habituelle de Paul Heyman qui nous explique que la grande question au Royal Rumble, c'est pas qui va gagner, mais sur qui Brock Lesnar va faire le tomber. Est-ce que ce sera Braun Strowman, est-ce que ce sera Kane, ou est-ce que ce sera sur les deux en même temps, hein, c'est possible aussi. Là-dessus, ben, ils s'en vont, et là ils sont attaqués sous le titantron par Kane, le monstre Kane inarrêtable, indestructible. On va aller se battre dans les coulisses. Et là-dessus, il y a l'autre monstre qui débarque, Braun Strowman, qui les défonce. Il fait valdinguer Lesnar à travers le décor. Pareil avec Kane. Et là-dessus, il va aller dans la caisse à outils. Il nous sort un grappin digne de Batman, hein, qui se saisit. On se demande ce qu'il va faire. Et là, il lance le grappin. Il accroche un échafaudage qui fait à peu près 3-4 mètres de haut. Voire 5 ou 6, et il fait tomber l'échafaudage sur ses deux adversaires du Rumble, Kane et Lesnar. Tentative de meurtre, voilà, l'amiral qui casse son matériel. C'est ça, c'est Braun Strowman, il m'a envoyé son grappin sur mon micro, cet enfoiré là. C'est ça, bah oui, mais alors s'ils autorisent les grappins maintenant, on connaissait le grappin des îles de Samoa Joe, mais le grappin de Strowman, ça, c'est nouveau. Voilà, donc une séquence impressionnante. Derrière, Lesnar est rattrapé, enfin, il est emmené par les brancardiers dans une ambulance. On l'entend qu'il veut sortir, il dit sors-moi de là, Paul et tout. Paul Heyman le calme, il dit non, viens, on va à l'hosto quand même. Quand même, prennent l'échafaudage sur la gueule. Kane, lui, il se relève péniblement, puis il s'en va, on sait pas où, dans sa grotte. Où il traîne souvent à la chaufferie Kane, donc il a dû retourner là-bas. Voilà, grande séquence émotion, des cascades, du décor qui est brisé. Amiral, ça te fait sourire? Ouais, parce qu'en même temps, sur le chat, il y a Guillaume qu'on salue qui dit qui se demande est-ce qu'au Rumble, Braun Strowman va faire l'entrée de Shawn Michaels ou de Sting en filin? Bon, puisqu'il y a quelques années, à WrestleMania, Shawn Michaels, notamment, je te rappelle, je crois que c'est WrestleMania 25, est venu sur le ring en filin comme ça, un peu en opération commando. En tyrolienne, comme on dit. Ouais, un tyrolienne. Donc, Braun Strowman, un peu qui s'ajoute Batman des rues, hein, genre, j'ai mon bat de grappin, quoi. Si maintenant il a des gadgets en plus, on est mal barré. Hein. C'est foutu. Déjà que le mec seul retourne des ambulances et en plus il va refiler des grappins. Déjà, j'avais dû me demander qu'est-ce que fout ce grappin là à la base. Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Bon, on va dire, ça leur sert. On va dire qu'on s'en fout. Hein, suspension de la crédulité, tout ça. Mais non, c'était impressionnant comme segment. Voilà, c'est encore une fois une prouesse physique monstrueuse de notre cher monstre favori qui a pas fini d'en faire baver aux autres. Alors après, il est dur de se demander est-ce que vraiment ils ont été écrasés ou pas, parce que c'est une structure avec pas mal de trous finalement. Hein, c'est une structure des arêtes de métal. Mais dans tous les cas, ça restait encore une fois exceptionnel et puis très très bien vendu par Paul Heyman, qui avait l'air d'être complètement bouleversé par ce qui s'est passé. Bref, choix de segment de destruction complètement gratos, mais voilà, qui rentre bien dans le personnage et qui continue de hyper cet affrontement titanesque pour le Rumble. Exactement, Raph. Ouais, moi c'est pour moi c'est ça qui a sauvé le segment, parce que je trouve que les promos de Paul Heyman, ça y est, enfin moi soit il est moins bon qu'avant, soit il sait plus trop quoi dire à force, mais je trouve que avant Paul Heyman c'était percutant, tu disais à chaque fois il tapait sur le truc, alors que là bon ça fait plusieurs mois que ça ronronne beaucoup, je trouve, ces histoires de bon, en même temps c'est le comment on va dire, l'écriture de Brock Lesnar qui ronronne aussi, c'est à chaque fois bon, qui sera le nouveau mec à se faire taper par Lesnar, mais ouais bah voilà, pour ceux parmi mes camarades qui trouvaient que Braun Strowman n'était pas la force en présence pour 2017, en tout cas il commence 2018 très fort là, on voit Kane et Lesnar et qui ont l'air de deux petits garçons à se chiffonner là dans les vestiaires, et puis Strowman il arrive, il en prend un qui doit faire donc 200 kilos, il le jette contre le mur, l'autre il le jette par terre, il sort le grappin. Alors moi j'ai cru un moment qu'en fait ce truc, cette structure en acier, j'ai cru que c'était ce qui tenait les écrans du Titantron, et je me dis s'ils font tout tomber, ça aurait été énorme. Il arrache complètement le building. Ouais, non mais c'est drôle, peut-être pas l'écran du Titantron, mais les espèces de trucs qui diffusent. Non, c'est juste la structure qui tenait les gradins. Ouais, c'est vrai. 300 personnes qui tombent. 200 morts, 300 blessés. Pour répondre à la remarque de l'amiral, moi j'ai trouvé justement qu'à juste après le spot, ils ont un peu trop filmé de trop près Kane et Lesnar, et on voyait bien qu'ils étaient bien 30 cm sous la structure. Mais bon, bah, comme tu dis, suspension d'incrédulité, voilà, bah, Braun Strowman, c'est le mec. Enfin, il faut qu'il capitalise vraiment dessus là en 2018. Quoi. C'est lui qui doit. C'est hyper drôle. Enfin, quand tu vois comment il a envoyé Lesnar. Ouais. Alors, est-ce que ce sera pas le moment pour lui au Rumble de gagner la ceinture? Non. On verra bien. Non, toujours pas. Pour moi, je pense qu'on reste sur le programme qui est Reigns chope la ceinture à Lesnar WrestleMania, et Braun Strowman sera celui qui prendra la ceinture à Reigns. Je sais pas, parce que à bien y réfléchir, je crois que Brock Lesnar il est sous contrat jusqu'à SummerSlam prochain. Et je sais pas si la WWE fait attention à ça, mais je me dis, s'il reste champion jusqu'à SummerSlam, est-ce qu'il dépasse pas le très long règne de CM Punk d'il y a 4-5 ans, histoire de l'effacer un peu? Bon, c'est pas non plus un record le règne de CM Punk, mais. Enfin, je sais pas, on verra. Ouais. Mais peut-être que ça va durer encore plus longtemps que prévu, mais. On verra. Mais tout est possible. Bon. Voilà, en tout cas, on aura peut-être un truc spectaculaire au Royal Rumble avec des décors qui sont brisés, des choses comme ça. En tout cas, ça annonce du bon. Après, sur Paul Heyman et sa promo, effectivement, en même temps, c'est super difficile de vendre un triple threat entre Kane et Braun Strowman et Lesnar quand même. Hein. Donc, il fait ce qu'il peut. Mais il faut bien les artifices de destruction de deux décors pour nous intéresser à tout ça. Samoa Joe contre Rhino, qui est accompagné de Heath Slater. Victoire de Samoa Joe sur Coquina Clutch, évidemment. Il est interviewé par Charlie Caruso. Il annonce sa participation en Royal Rumble. Il explique que la victoire de Roman Reigns la semaine dernière, c'est une victoire à la Pyrrhus. Et il explique ce qu'est une victoire à la Pyrrhus. Hein, si vous avez Wikipédia. Je vous invite à aller regarder. Charlie Caruso lui parle de ses adversaires possibles au Rumble. Randy Orton, Shinsuke Nakamura, John Cena. Et là, il la stoppe tout de suite. Il dit John Cena, John Cena. Je me souviens de John Cena. On a une carrière un peu en parallèle. C'est ma cible numéro 1, John Cena. Voilà, une petite rivalité. Le qui premier homme qui va éliminer au Rumble. C'est ça, exactement. Une petite rivalité qui se crée là. Ça vous intrigue? Bah oui, bien sûr. Hein. Depuis que Joe est arrivé au main roster, cet affrontement potentiel avec Cena est quand même une affiche qu'on a envie de voir. Tous ceux qui connaissent Joe depuis longue date savent qu'effectivement il y a un certain parallèle qui peut être fait, ou du moins qu'ils ont commencé un peu au même moment. Bref, il y a plein de choses qui font qu'il y a une curiosité, il y a un intérêt pour ne serait-ce que l'affiche en fait. Le match, on sait qu'il sera bon avec ces deux workers là, mais ne serait-ce que l'affiche, elle fait envie, ça c'est clair. Donc si c'est le début, moi ça va. Si c'est pour ça que John Cena est dans le Rumble, c'est pour allumer l'étincelle qui donnera une feud et donc un combat, voire une trilogie de combats contre Samoa Joe. Super. Ouais, moi je trouve que ça donne très envie, et il faut dire ce qui est, ils nous ont offert un peu les dream match que tout le monde attendait. Hein. Donc on a eu Cena contre Kevin Owens, ça quand même c'était des belles affiches pour les fans de catch worldwide. Cena contre AJ Styles aussi. Là Cena contre Samoa Joe, c'est du costaud. Alors après on remarque que pour les deux précédents, c'est toujours Cena qui est quand même fini plus ou moins gagnant. Et là, ça serait bien que Samoa Joe soit celui qui enfonce un peu le Marine plus proche vers la retraite. Mais C'est Roman Reigns hein, qui l'a enfoncé. Ouais, mais bon, Roman Reigns, c'est pas un passage de flambeau, tout ça. Hein. Roman Reigns, c'est pas le petit, c'est pas celui qu'on attendait. Mais bon, mais oui, alors si ça fait un match à Mania, ce serait un peu dommage. Enfin, j'aurais bien aimé voir Samoa Joe dans un truc plutôt pour un titre mondial, mais oh, ça fait une belle affiche de gala quand même. Ça... Oui, c'est pas maintenant. Joe pour le titre mondial, clairement pas pour ce Mania là, ça me paraît évident. Non. À moins qu'il y ait je souhaite pas qu'il y ait des blessures de ci, de là, mais sinon. C'est pas la trajectoire pour l'instant qu'on voit. Après, on est quand même à 4 mois de Mania, donc tout peut changer, on le sait. Tout peut changer, ouais. Mais du coup, je verrais bien d'abord qu'il passe par un moment de consécration, une grosse affiche sans titre contre un monstre sacré comme John Cena. Bref, ça serait du gagnant-gagnant-gagnant à tous les niveaux. Donc, faut qu'ils y aillent, c'est bien ça. Ça sent bon. Je sens bien. Parce que ça peut faire une excellente Road to Mania, des batailles de micro entre Joe et Cena. Ah oui. Et un match derrière. Là, on peut être sur du très très bon. Hein. Yes. Voilà, on va cocher ça en espérant qu'il le valide derrière. Le main event, c'est l'heure du main event. Luke Gallows, Karl Anderson, Finn Balor, ce fameux Balor Club, affrontent Seth Rollins, Jason Jordan et Roman Reigns, qui sera l'élite de la WWE. Ça tape fort de tous les côtés, mais la mésentente dans le clan des champions permet une victoire du Baylor Club par coup de grâce hein, de Rollins, de Baylor sur Rollins par deux fois. Hein, Jason Jordan va faire des erreurs. Il va notamment empêcher l'arbitre de voir un tag entre Rollins et Reigns. Hein, Rollins qui se fait malmener un peu, pas mal longtemps pendant le match. L'arbitre ne verra pas le tag parce qu'il sera occupé à faire sortir Jason Jordan du ring, hein, qui était venu se venger après s'être fait taper dessus alors qu'il n'était pas l'homme légal. Et en fin de match, il remet debout Rollins, hein, qui était un peu sonné, sans voir que derrière lui, Baylor se lance dans un shotgun drop kick qui va toucher sa cible. L'architecte se retrouve au sol, on éjecte Jason Jordan du ring, on le calme avec un bon coup de coude, et donc Baylor peut placer son coup de grâce sur Rollins pour la victoire. Alors on s'engueule après le match. Entre Roman Reigns et Jason Jordan, hein, qu'est-ce que t'as foutu Jason, tu fais chier, on a perdu. Et là-dessus, des mecs en costard débarquent, ça tabasse le beau Roman, ça tabasse Jason Jordan, c'est le Miz et le Miz Tourage qui sont là, ils s'occupent aussi de Rollins, tout le monde est à terre, et après on va sur le beau Roman, on le soulève, Skull Crushing Finale, on fait mine de s'en aller, mais non, on n'en a pas fini. Une dernière petite touche, un bon triple powerbomb des familles. On se fout un peu de la gueule du Shield. Et voilà, The Miz triomphant pour son retour. C'est le main event historique de ce Monday Night Raw du 8 janvier à Memphis, dans le Tennessee. Raph, qu'est-ce que tu as pensé de ce retour en force du Miz? Ah, pas que du Miz, même pour le Baylor Club, il y avait une très très chaude ambiance sur ce main event. Moi j'ai beaucoup aimé, et ils avaient l'air de. Ouais, c'était genre Baylor notamment, il avait l'impression de se réveiller là après plusieurs années. peut-être pas plusieurs mois de marasme. Il avait l'air vraiment content, le mec, d'être là dans cette configuration, et il a raison. Je trouvais que le match était vraiment sympa à suivre, que la victoire du Baylor Club était, c'était ce qu'il fallait faire, là, c'était sûr. Et après, là, on est dans une période, du coup, où il y a le Rumble, il y a cette histoire de factions qui s'affrontent, en même temps, il y a le titre intercontinental, on ne sait pas trop où ça va aller, on ne sait pas ce qui va être en premier, si ça va d'abord être les équipes, est-ce que le Miz va faire un trio aussi, est-ce qu'il va assez vite récupérer la ceinture, mais dans tous les cas, ça ouvre des perspectives assez alléchantes. Donc moi, je trouve que ce main event finit bien le show et donne envie de voir ce qui va se passer ensuite. Du coup, j'adhère au retour du Miz et à tout ce qui s'est passé là pendant ce dernier quart d'heure. Main event ici pour Raph. Yes, l'amiral. Ouais, pareil, c'était chouette à voir. C'était pas le match non plus, le match de l'année ou même du mois, mais c'était bien fait. Mmh. Comme dit Raph, fallait que le club gagne. J'avais eu peur hein, quand même, parce que t'as quand même Roman Reigns en face, t'as des champions par équipe, donc c'était pas le truc le mieux barré du monde. Mais voilà, ils ont enfin effectivement pu marquer la victoire, ça c'est très très très positif. La suite c'est quoi? De toute façon, le Miz est clair, il repart à la chasse de son titre intercontinental. Hein. On sait qu'il y aura un match contre Reigns lors du Raw 25e anniversaire qui sera un gros bordel, il y aura plein de légendes qui vont revenir, il y a Stone Cold qui a annoncé qu'il revenait aussi. Mm-hmm. Donc du coup, ça risque de foutre un peu le bazar dans tous les storylines. Moi je vois bien un truc à 3 en fait. À trois factions de trois. Le Miz et Miz Tourage qui pilonnent Reigns et ses potes pour récupérer le titre intercontinental et éventuellement Baylor Club qui partent à la chasse aux ceintures. Ouais. Même si on sait qu'il y aura un rematch pour les ceintures par équipe à l'ordre du Royal Rumble, hein, César et Sheamus qui les auront. Je verrais bien effectivement Baylor Club partir vers ça, donc pour Gallows et Anderson, hein, avec Baylor plus en leader et support, qui lui repartirait une fois que ses potes et les ceintures vers son rematch de la ceinture universelle, peut-être quand Reigns aura mis les mains dessus en WrestleMania, je sais pas, mais en tout cas une interaction de 3-3-3 qui peut être intéressante. Ouais, exactement, beaucoup de monde dans toute cette histoire, puisque yes. The Bar est aussi impliqué, et oui. Un ton en dessous, mais ouais, quand même un ton en dessous, mais c'est possible. On pourrait se retrouver avec une espèce de triple threat à trois clans aussi, entre le club, Miz et The Bar on a des franchement face, on a des franchement heel, et puis on a le Baylor Club un peu entre deux os, donc c'est faisable. Ah, puis on a Jason Jordan aussi qui est un peu, mais ça sera pour plus tard, ça, je pense. Oui, mais... oui. C'est un heel malgré lui qui s'ignore, c'est, en fait. C'est un heel en incubation. Et puis moi, je pense après après WrestleMania aussi, il y aura sûrement du check-up. Enfin, je pense que Cesaro et Sheamus vivent leurs dernières heures aussi ensemble. Il va y avoir donc beaucoup de changements en perspective. Ouais. C'est guerre de clans. Ça me rappelle quelque chose. Main Event plutôt réussi. Effectivement, c'est là-dessus que va se boucler ce Raw. On va passer au mot de la fin. Un top, un flop, une note. Amiral, allons-y. Mon top, le retour du Miz, tout simplement. Mon flop, cette victoire dégueulasse sur Roll-Up de Tatis Warwald sur The Bar. Et ma note, un 2,5. C'était un Raw, il n'y avait pas tout trop mauvais, mais il n'y avait pas de grand-chose qui brillait non plus par sa superbe. All right. Bref. Moi, je suis beaucoup plus positif que l'amiral. En top, j'aurais mis le retour du Miz aussi, mais pour varier un peu, je vais mettre les 2 minutes d'apparition de Braun Strowman qui ont bien mis l'ambiance. En flop, moi, je vais mettre le personnage de Nia Jax qui, entre cette romance un peu ridicule avec Enzo Amore où elle a l'air pas du tout impliquée, enfin non, je la trouve pas bonne dans son personnage. Et la note, moi j'aurais mis 3,5 plutôt, je mets un point de plus parce qu'il n'y a pas vraiment de moment déchet et puis on progresse, je trouve, on commence à être dans la road. Il y a Baylor qui revient quand même, Baylor et le club qui reviennent au niveau qu'ils méritent. Il y a ces interactions avec Jason Jordan qui sont assez bien écrites. Il y a le Miz qui revient, Strowman qui est très fort, Lesnar qui est là même s'il fait pas grand chose. Il est là, c'est cool. Il est au moins là. Bon, il sera peut-être plus là d'ici le Rumble puisqu'il est parti à l'hôpital, mais. Non, c'est une bonne période globalement, je trouve. Il n'y a pas de Jobber's World, quoi. Bon, il y a eu Matardi, mais... Ouais, il y a Matardi. Pareil, Joe contre Rhino, c'est pas non plus... Ouais, mais ça sert toujours à quelque chose. C'est pas... Les filles étaient aussi... C'était pas terrible. Ça dans un... On met plus de Jobber's World parce qu'on a les problèmes de droits de musique, mais... ça aurait été glissé dedans. À toi, Ring. Ouais. Bah, au niveau de la note, je vais mettre 2,5 aussi. Je donnerai mon top au Baylor Club. C'est super cool hein, de voir cette formation-là qui va commencer à faire des ravages à la WWE. Le flop, je vais donner conjointement à Alexa Bliss et Nia Jax pour leur performance tout à fait médiocre dans cette semaine. Hein. Et puis donc 2,5 à la note. Ouais, tout ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a une grosse histoire. Et puis le reste, c'est un petit peu bâclé, je trouve. Voilà. Ben, on a fait le tour de la question. Donc je vous rappelle qu'on nous retrouve sur YouTube pour la vidéo, Podcloud pour l'audio. Ketchup CDC, ça c'est sur Twitter, et Ketchup CDC sur Facebook. Abonnez-vous, mettez des commentaires, la petite cloche aussi pour être alerté dès que ça commence. Amiral, merci beaucoup d'être venu, merci pour la réalisation. Un plaisir. Raph, merci à toi aussi d'être venu. Bah, un plaisir, merci à Ring et à l'Amiral pour votre travail collectif. Merci, merci, merci aux auditeurs, merci aux gens sur le chat. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine si Dieu le veut. N'oubliez pas le supplément qui arrive tout bientôt. Salut. Ciao. Ciao.